épouse le fait qu'un chanson de Johnny Hallyday. J'ai nickel game texte cru sur du caribé. Chaque jeune de veuve s'allume sur les Champs-Élysées. Chaque bon père les yeux doux, c'est pas validé. Le smith est rentré pour le temps quand j'ai pipé. J'ai quitté à 100 millions de vues, j'ai pas tout fait. J'ai fait le tri autour de moi, y'a plus que ça. Ça croise maintenant, ça fait un doigt délit, tu sais. J'ai fait des tours dans ma vie. Des mecs qui prennent des coups, qui deviennent fous dans la vie. Y'a trop de différents, beaucoup de fierté dans la zone. En concert, toujours cette boule avant de monter sur la scène. Pareil que t'as pris des ailes, depuis que tu t'en mets dans le jeu. C'est tout critiqué pour ça qu'on peut plus dire qu'on s'aime. Je me démarque, j'ai mis les épées sur le maillot. J'attends pas le jour de l'an pour me mettre ailleurs. Avec mes gars, pour faire le vide, on se raconte nos vies. On parle de grimper dans le vide. Alors ça veut des sous, alors ça veut des armes. Mais me dis pas qui ça. Alors ça veut des sous, alors ça veut des armes. Ne me dis pas qui sont.